Chapitre 18e. Les perles bleues. Argoulian avait assisté, effondré comme une loque, à l'horrible scène. Il aimait sa fille, oui, un peu, mais il s'aimait davantage. Il tremblait pour sa peau, il se savait à la merci de ses complices. Piébald était son maître, il devait lui obéir. Affalé sur un fauteuil, la lèvre pendante et l'œil hagard, il vit Piébald arracher brutalement le coffret que la jeune fille tenait à la main. Sonia, d'ailleurs, ne protesta pas. Sa lèvre supérieure se crispa un peu en signe d'immense mépris, et ce fut tout. La jeune fille se rassit, cependant que Piébald et Meraki, penchés sur le bureau, faisaient sauter le couvercle de la cassette et en retiraient le contenu. « Des passeports !» ricana Piébald. « Monsieur Stefano Clarfesco et sa nièce. » Voilà, on voulait partir, quitter la France, se mettre en sûreté pour mieux livrer les amis. Et de l'argent, des livres sterling, oh, mais il y a plus de 20 000 francs là-dedans. Vous seriez peut-être embarrassée, mademoiselle, de nous expliquer ce qu'on a payé avec cet argent. Les insultes d'un lâche ne m'atteignent pas, riposta fièrement la jeune fille. D'un lâche, vous vous y connaissez en lâcheté dans la famille. « Peu importe, le docteur va vous emmener dans votre chambre. Nous déciderons ensuite ce que nous ferons de vous. »« C'est cela. Venez, mademoiselle, » fit Meraki en montrant la porte. Sonia, sans répondre, regarda son père. Deux larmes coulèrent de ses yeux en feu, larmes d'humiliation, de pitié, de désespoir. Elle détourna la tête et suivit le médecin. Celui-ci l'emmena dans le pavillon contigu, celui des pensionnaires. Vous serez parfaitement bien ici, mademoiselle, dit-il en ouvrant la porte d'une chambre matelassée. Il y a un bouton de sonnette à la tête du lit. Si vous avez besoin de quelque chose, vous n'avez qu'à le presser. Une infirmière viendra. Je vous conseille seulement d'être discrète dans votre intérêt et celui de votre père. La jeune fille ne répondit pas. Elle entra dans la pièce dont Meraki referma au verrou la porte sur elle. Il est certain que mademoiselle Argoulian venait chercher son père pour fuir avec lui. Ses papiers en font foi, observa Piébald sitôt le médecin revenu. Demain, il faudra qu'elle nous fasse connaître le nom de celui qui a procuré ses papiers. C'est sans doute le même individu qui l'a enlevé de Saint-Lazare et qui nous a assommés et fait prisonniers. Argoulian et moi dans le bateau parisien. Agit-il pour son compte ou pour celui de la police? Peu nous importe au demeurant. Mais une chose est claire. C'est que cet homme s'intéresse à Sonia et à son père. Il a voulu les faire fuir pour pouvoir ensuite agir contre nous sans danger de leur nuire et nous perdre. Il le peut. Il sait que nous sommes ici. Il doit être renseigné sur bien d'autres choses. Il faut le devancer et fuir cette nuit même en emmenant Argoulian et sa fille. Les passeports contenus dans cette boîte serviront au père et à la fille. Vous entendez, monsieur Argoulian ? Le marchand de pierreries, complètement affaissé, gisait, c'est le mot, dans un fauteuil. Il répondit par un grognement affirmatif. « Une fois que je serai en sûreté avec M. Argoulian et sa fille, poursuivit Piébald, je... »« Votre plan est logique, Piébald, » interrompit Meraki. « Mais il est incomplet. Vous oubliez Teddy. Si l'on fait une perquisition ici qu'on le trouve, il parlera. Au risque d'avoir le cou coupé, il dira tout. » Lorsqu'un homme en arrive à cet état de rage, il ne recule devant rien. Sa vie elle-même lui est indifférente. Teddy se fera guillotiner pour nous perdre. Piébald eut un frémissement. Livide, il regarda le médecin, cependant qu'Argoulian claquait des dents. « Mais nous pouvons nous réconcilier avec Teddy. Il n'y a qu'à faire appel à son intérêt. Sans nous, il est ruiné. Avec nous, il a les perles. »« Vous allez lui laisser ?» protesta Piébald. « Me prenez-vous pour un imbécile ?» ricana le médecin. « Chaque chose en son temps. D'abord notre sécurité, ensuite les perles. Après notre sécurité encore, sécurité qui ne sera jamais assurée tant que Teddy vivra. »« Je comprends, » fit Piébald d'un éclair de cynisme dans les yeux. « Voilà, Julia Jacobsen est morte, mais on ne le sait pas. » Mademoiselle Argoulian Sonia, qui est arrivée, je peux le dire, extrêmement à propos, jouera le rôle de Julia. Elle se mariera avec Teddy, ce qui la rendra majeure, émancipée. Pourquoi pas avec moi, tout de suite ? Questionna Piébald. Parce qu'elle refusera. Cette jeune fille est prête à tout. Je l'ai compris, mais pas à vous épouser. Elle préférera mourir, elle vous l'a dit. Et elle ne mentait pas. Une fois que nous aurons les perles, vous verrez ce que vous aurez à faire. Donc, Julia Sonia épousera Teddy. Ils n'auront ensuite qu'à se faire livrer le lot de perles par la banque Fort Smythe, et nous n'aurons plus qu'à procéder au partage et à assurer notre sécurité. Parfait, murmura Piebald. Mais si pourtant Mademoiselle Argoulian refusait de se prêter à notre combinaison? Son père l'y contraindrait, car en ce cas nous nous arrangerions pour livrer M. Argoulian à la justice, avec preuve de l'assassinat de Jacobsen à l'appui. Or, n'est-ce pas, M. Argoulian ne tient pas à avoir la tête tranchée, et sa fille ne tient pas à ce qu'il ait la tête tranchée. Ma démonstration se suffit à elle-même. J'ai des passeports pour vous, Monsieur Piebald, pour Teddy et pour moi. En partant tout de suite, nous pouvons être à la gare du Nord assez à temps pour prendre le train de 23h48 qui nous mènera à Londres demain matin. Mais il n'y a pas de temps à perdre. Je vais aller négocier avec Teddy. Pendant ce temps, Monsieur Argoulian convaincra sa fille. Vous pourrez lui dire, Monsieur Argoulian, que vous avez réussi à vous entendre avec nous, que nous sommes remplis de bonnes dispositions et que non seulement nous approuvons, Mademoiselle Sonia, d'être venue vous conseiller de fuir à l'étranger, mais que nous allons vous y accompagner. Mentionnez, au passant, que le temps est précieux et que vous ne tenez pas à avoir la tête violemment séparée du cou. Oui, oui, bafouilla Argoulian en essayant de sourire. Il ne réussit qu'à faire une grotesque grimace. Dites-lui aussi que si elle se soumet gentiment, nous l'en récompenserons. Une fois le mariage de Teddy célébré et les perles retirées de la banque, elle sera libre, complètement, absolument, et n'entendra plus parler de nous. Allez, et faites vite, je vais vous conduire. Vous pouvez compter sur moi, balbutia le marchand de pierreries, qui sur ces mots sortit derrière le médecin. Celui-ci peu après rejoignit Piebald. Naturellement, observa-t-il, une fois que nous n'aurons plus besoin de cette fille, nous l'enverrons rejoindre Teddy, c'est plus sûr. À moins que vous y voyiez un inconvénient. Non, qu'elle aille au diable. Perle d'abord. Bien parlé, monsieur Piebald. Restez ici. Je vais voir Teddy. Votre présence l'exciterait. Je le crains, approuva Piebald avec un sourire cynique. Meraki, sans attendre, ressortit de la véranda et se dirigea vers la cellule où était enfermé Teddy. Il dort? Demanda-t-il à l'infirmier de garde. Oui, je ne l'ai pas entendu depuis que j'ai pris mon service, monsieur le docteur. Nous allons voir cela. Ouvrez. Les verrous furent tirés, le battant poussé. Le médecin pénétra dans la cellule. Vous pouvez nous laisser, ordonna-t-il. Bien, monsieur le docteur, fit l'infirmier, en pensant que le médecin avait rudement du courage. Teddy était étendu sur le dos au milieu du lit. Il dormait profondément. Une camisole de force, sorte de chemise en triple toile sans manches, retenue par un fort lacet de cuir, lui enserrait le torse. Meraki s'approcha et de la main toucha légèrement le dormeur. Teddy tressauta comme si on lui eût lancé un courant électrique à travers le corps. Il ouvrit les yeux, se dressa, et à la clarté bleuâtre de la lentille de verre encastrée dans le plafond, reconnut le médecin. « Hors d'ici, pourriture immonde » cracha-t-il, une flambée d'effroyable rage dans les yeux. Meraki coula un regard vers la porte. Il l'avait refermée lui-même, mais il voulait en être bien sûr. « Monsieur Clams, dit-il posément, je vous prie de m'écouter. Ce que j'ai à vous dire est très intéressant. Vous en jugerez. Si vous refusez de m'écouter, tant pis. Je viens en ami et vous le prouverez. » Teddy, sourcils froncés, bouche ouverte, regarda stupidement son interlocuteur. Jusqu'alors, Meraki n'avait daigné répondre à ses protestations furieuses que par des sarcasmes et des menaces. Que signifiait ce changement? « Je vous écoute, » dit-il plein de méfiance. « Merci, je vous prie de ne pas m'interrompre, j'aurai vite terminé. Me le promettez-vous, quoi que je dise ?»« Oui. » »« Bien. D'abord, votre fiancée, et non pas votre femme, nous nous en sommes assurés, est morte. » « Oh, vous !»« Vous m'avez promis de me laisser finir. » »« Je dis donc que votre fiancée est morte. » Mais nous vous en avons trouvé une autre, qui vous épousera en Angleterre devant un clergyman et sous le nom de Julia Jacobsen, ce qui vous permettra de retirer les perles de la banque Fort Smythe. Cela vous va-t-il? Oui, affirma Teddy sans hésitation. Et que demandez-vous pour vous? Ma part et celle de nos amis, monsieur Argoulian et Piebald, auront chacun un quart, moi un troisième quart et vous le quatrième, parts égales. Je veux la moitié pour moi seul, ou c'est non. Tant pis. Dans ce cas, vous ne sortirez d'ici que pour aller au cimetière. Nous n'avons pas besoin de vous. Je vous donne 5 minutes pour réfléchir. Teddy ne répondit pas. Une minute passa. Et quelle garantie demandez-vous pour être sûr que je subirai jusqu'au bout vos conditions ? Questionna Edward Clamps. Oh, simple. Vous allez me signer une reconnaissance de dette de 300 000 livres sterling. Les perles valent certainement plus, mais peu importe. Cette reconnaissance sera également signée de votre future épouse et me permettra de faire opposition à la banque Forsyth. Les perles seront vendues par autorité de justice et nous partagerons, comme il est dit, le produit de la vente. Et si elle n'atteint pas 300 000 livres sterling, je n'aurai plus que mon mouchoir pour pleurer mon imbécilité, hein? Non, nous allons stipuler que si la vente n'atteint pas 400 000 livres, vous aurez droit à recevoir le quart de la somme produite, quelle qu'elle soit. Conclu. Je vais libeller le papier tout de suite et vous libérerai aussitôt. Pour le reste, monsieur Clams, n'oubliez pas que nous sommes tous dans le même bateau. S'il sombre, nous nous noierons tous, et vous le premier. Moi, somme toute, je ne suis qu'un comparse. Qui touche la même part que les premiers rôles, ricana Teddy. À 11h48, le rapide de Calais, partant de la gare du Nord, emmena, dans un compartiment de première classe, Argoulian, Sonia, Piebald, le docteur Meraki et Teddy.